بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام bienvenue chers frères. Et comme vous l'avez entendu, donc le sujet de ce séminaire, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, que ça soit dans les médias, que ça soit chez certaines personnes qui s'affilient à cette voie. Et donc, il est important de savoir quelle est cette voie. Qu'est-ce que la salafiyya? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, bi'idhnillahi ta'ala. On aura donc, à la base, c'était prévu qu'on ait deux cours par jour. Mais concrètement, je trouve, wallahu a'lam, je n'apprécie pas le fait qu'on aborde le sujet de la salafiyya. Qu'est-ce que la salafiyya? Sans parler du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc on rajoute un troisième cours, bi'idhnillahi ta'ala, avec du tafsir tous les soirs. Avec du tafsir tous les soirs, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik. Et donc le premier cours qu'on verra aujourd'hui, c'est le manhaj salafi est un manhaj divin. Le manhaj salafi est un manhaj divin qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais le mot salafi ou salaf, donc les lettres sin, l'âme et fait dans la langue arabe, comme nous le disent les savants, cela indique ce qui précède. Mais sabaq, ce terme, donc le mot salafa, montre ce qui précède. Et ce mot va être utilisé pour tous ceux qui t'ont précédé. Parmi tes proches ou ceux que tu suis, on les appelle salaf. Donc tous ceux qui t'ont précédé. Et ça dans la langue arabe. Et d'ailleurs, barakallahu fikoum les frères, dans ce séminaire, je vais faire beaucoup de citations, ou du moins, j'ai dans la préparation de ce séminaire, j'ai beaucoup profité des écrits du très savant Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, qui a écrit un livre connu sur le sujet, un petit épître connu sur le sujet, « Mahiya Salafiyya », qu'est-ce que la Salafiyya ? Ainsi que le cheikh Abdullah al-Ghafiri aussi, Haqiqatu Salafiyya. Ibn Manzur, il dit dans Lisan al-Arab, il dit wa salaf aidan man taqaddamaka min aba'ik wa dhari qarabatik alladhina hum fawqak fi as-sin. Et donc il nous dit, donc as-salaf, ce terme là, ce mot représente tous ceux qui t'ont précédé parmi tes parents et parmi tes proches. Tous ceux qui sont au-dessus de toi en âge, wal fadl, et dans les mérites. Tous ceux qui sont au-dessus de toi en âge et dans les mérites. Walidhalika, walihada summiya sadrul awwal min at-tabi'in as-salafus salih. Et c'est pour cela que, donc, la première génération a été appelée as-salafus salih, les plus prédécesseurs. Barakallahu fikoum, ô chers frères, il y a dans les recueils de la sunna, dans Sahihayn, hadith de Aisha radiallahu anha qui dit « Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sarra bintahu Fatima fabeket » Aisha qui nous dit, comme dans Sahihayn, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sarra bintahu ou ibnatahu, lui a confié un secret. Donc Aisha, elle a vu le prophète qui a parlé donc à sa fille Fatima, mais elle n'a pas entendu ce qui s'est dit. Et ensuite Fatima, elle a pleuré. فَلَمَّ رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا مَرَّةً أُخْرَى فَضَحِكَتْ. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la tristesse de sa fille Fatima, il lui a confié un autre secret et là elle a rigolé. Aisha qui a vu cette scène, elle dit فَسَأَلْتُهَا, elle dit donc je l'ai interrogé concernant cela, qu'est-ce qu'il t'a dit? Falam tujibni, alors elle ne m'a pas répondu. Fatima n'a pas répondu à Aisha radhiyallahu anha. Wa lamma tufi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'altuha marratan ukhra. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors là je lui ai demandé une autre fois. Fa ajabat Fatima. Alors Fatima, elle a répondu en disant amma hina sarani fil marratil ula فأخبرني أن جبريل كان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضه الآن مرتين وقال لها وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. Et donc Fatima, elle dit, concernant la première fois qu'il m'a confié un secret, alors il m'a informé que Jibril venait lui réciter le Coran chaque année une fois. Et que cette année, il l'a fait deux fois. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima, et certes, je pense que el-ajal, c'est-à-dire donc la limite qui a été déterminée, s'approche, c'est-à-dire sa mort. Alors à ce moment-là, elle a pleuré, Fatima. Ou alors même avant cela, excusez-moi, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, alors crains Allah, fattaqillaha wasbiri, crains Allah et endure, patiente. Fa'innahu ni'ma salafu ana laki. Quel bon salaf je suis pour toi. Quel bon salaf, quel bon exemple à suivre et quel bon prédécesseur je suis pour toi. Alors crains Allah et patiente. Et donc ce hadith, les savants le citent par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a utilisé le terme as-salaf. Quel bon salaf je suis pour toi. Et donc ici, on voit ce qui est voulu par le terme as-salaf dans la langue arabe. Mais maintenant, qu'est-ce qui est voulu par ce mot? Qui sont as-salaf ou salih? Qui sont les pieux prédécesseurs? Ce terme qu'on entend si souvent. Qui sont les pieux prédécesseurs? Les pieux prédécesseurs, barakallahu fikum, les savants, ils nous disent, ce sont les sahaba. Ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement. Ainsi que tous ceux qui les ont suivis, parmi les premières générations de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les prédécesseurs, les premiers. Et donc le terme as-sabiqun qui a le même sens que as-salaf. Les prédécesseurs, les premiers, parmi les muhajiroun et les ansar. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Comment ça, eux sont satisfaits d'Allah? Ça veut dire quoi ça? Hein? Satisfaits d'eux? Barakallahu fik. Et sont satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé. Que ça soit dans la législation, donc les ordres, et que ça soit dans le monde. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Ils sont satisfaits de tout ce qu'Allah leur a accordé. Et donc eux sont satisfaits de lui. Donc lui il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. Et ceci est la grande réussite. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a préparé cette récompense des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement pour qui? Pour les salafs. Pour les salafs et ceux qui les ont suivis. Et ceux qui les ont suivis. Tu veux cette récompense. Tu veux le paradis éternel. Tu veux la satisfaction d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il t'est donc obligatoire de les suivre. Parce qu'Allah, il l'a cité dans ce verset. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Et aussi, il y a dans ce hadith, il y a dans ce verset, excusez-moi, le fait que la salafia, donc la salafia qui est le fait de suivre les salafs, la salafia c'est le fait de suivre et de s'accrocher à la voie des pieux prédécesseurs, as-salafu salih. Et donc il y a dans ce verset le fait que la salafia est un manhaj divin, manhajun rabbani. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala récompense par le paradis tous ceux qui suivent cette voie. Allah tabaraka wa ta'ala récompense par le paradis tous ceux qui suivent cette voie. Et certes, sont nombreux, on a déjà entendu les textes qui montrent les mérites des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. ثم الذين يلونهم, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les suivent, ceux qui viennent après, puis ceux qui les suivent, c'est-à-dire ceux qui viennent après. Et donc on comprend, on commence à comprendre, barakallahu fikoum, mon cher frère, qu'est-ce que le manhaj salafi? Le fait de s'accrocher fermement à la voie des pieux prédécesseurs, le fait de les suivre. Et ce manhaj est un manhaj qui te mène au paradis, à la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. أخرج مسلم في صحيحه أو في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف. الإمام مسلم il cite dans l'introduction de son livre الصحيح. Dans l'introduction de son livre As-Sahih, selon Ali ibn Shaqiq, rahimahullah, qui dit « J'ai entendu Abdullah ibn Mubarak dire devant tout le monde, délaissez les hadiths de Amr ibn Thabit, car celui-ci, qu'est-ce qu'il faisait ?»« Kana yashtumu salaf » Il insultait les salafs. Ce qui est voulu par là, il insultait les compagnons. Et donc ici, l'imam muslim, rahimahullah, il nous montre dans son Sahih, il nous montre dans l'introduction de son Sahih un principe important, le danger quant au fait de critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce sont eux les salafs. Ce sont eux les salafs. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux. Comment peux-tu suivre une autre voie que la voie de ces gens-là? Comment peux-tu suivre une autre voie que la voie de ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux? L'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit au début de son livre Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, il dit Usul al-Sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim. Les fondements de la sunna, les fondements de l'islam. Ici, le mot sunna, ce qui est voulu par là, c'est l'islam. Et donc, l'imam Ahmed qui nous dit les fondements de la sunna chez nous, chez les gens de la sunna, c'est premièrement le fait de s'accrocher fermement à la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de les suivre. Wal-iqtida'u bihim. C'est ça la salafia. Rien de plus simple. C'est ça la salafia. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum, il est important de comprendre, certaines personnes cherchent à notre époque à montrer que cette voie, la salafia, c'est une voie innovée et que c'est une voie qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est une voie exagérée. Une compréhension, une école exagérée de l'islam. Alors que c'est ça l'islam. Est-ce qu'on trouve dans le Coran que Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à suivre les compagnons, ou alors il nous appelle à suivre une autre voie? C'est ce qu'on verra, inshallah ta'ala. Est-ce que la salafia est une voie qui a été inventée par les hommes, ou alors c'est une voie divine qui dépend des recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Certes, Allah fut satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont porté allégeance. Lorsqu'ils t'ont porté allégeance en dessous de l'arbre. Qui a porté allégeance au prophète en dessous de l'arbre? Les compagnons. Et donc ici, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il fut satisfait des croyants, ce qui est voulu par là, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui lui ont porté allégeance en dessous de l'arbre. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Il a fait descendre l'apaisement sur eux. Et il les a récompensés par une victoire proche. Par une victoire proche. Et donc, ce verset, il aborde le sujet donc, de la conquête de Khaybar. Les savants nous disent, et aussi la Mecque, c'est-à-dire lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a ici, donc, promis une victoire proche, c'est-à-dire Khaybar, la Mecque et toutes les autres conquêtes qui viennent après. Et ce verset fait partie de, comme ils disent les savants, l'épreuve de la prophétie. L'épreuve de la prophétie. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a annoncé au prophète qu'il va se passer quelque chose dans le futur. Il va leur accorder une victoire proche. À qui ? À ses compagnons et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est arrivé. Et donc cela nous montre que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Et que cette voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons est une voie divine. Ad-Darimi, il cite dans son Sunan, selon Abdillah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqiman. Thumma qal hadha sabilullah. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit, rectiligne. Et ensuite, il a dit, ceci est la voix d'Allah. Une voix divine ou pas ? Oui, c'est une voix divine. Il n'a pas dit, ceci est la voix d'un tel ou la voix... Ceci est la voix d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Et ensuite, il a tracé des traits à sa droite et à sa gauche. Et il a dit, hadihi subul ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi. Et ceci et celles-ci sont des voies. Sur chacune d'entre elles, il y a un shaitan, un diable, qui appelle à celle-ci. Et ensuite, il a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, fatafarraqu bikum an sabili. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la et ne suivez pas les voies. Suivez ma voix, suivez la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ne suivez pas les voix. Sans quoi celles-ci, donc ces voix-là, tafarraqu bikum an sabili, elles vont vous diviser et vous éloigner de la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elles vont vous diviser et vous éloigner de la voix d'Allah. Quelle est la voix d'Allah ? C'est la voie qui mène au paradis. Quelle est la voie qui mène au paradis ? On l'a vu précédemment, c'est le suivi des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la salafia est une voie divine. Wa la shakka ayyuha al-ikhwa anna as-sahaba qad ittaba'u hadha as-sabil ay sabil Allah. Il n'y a nul doute que les compagnons, ils ont suivi la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous l'avons vu clairement dans le verset précédent. Et ce sont les meilleurs de cette communauté. Et ce manhaj, ô chers frères, le manhaj des compagnons, comme on le comprend clairement, c'est un manhaj, une voie divine. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda » وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission du prophète après que la guidée lui soit clairement montrée. Il fait scission du prophète. Le prophète, il est dans une voie et toi, tu es dans une autre voie. Après que la guidée lui soit clairement montrée. Et il suit une autre voie que celle des croyants. Et donc celui qui fait ça, quelle est sa punition ? Nous le délaissons, nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Et nous le faisons brûler en enfer. Et quel mauvais refuge, quelle mauvaise destination. Barakallahu fikoum, les frères, il y a un point dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, wa man yushaqiq ar-rasoul, celui qui fait scission du prophète. Mais ensuite, il n'a pas dit celui qui fait scission du prophète, alors nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Pourtant, il aurait pu le dire. Mais ici, il a cité le fait de faire scission du prophète et de suivre une autre voie que la voie des croyants. Il nous montre ici, tabaraka wa ta'ala, qu'à partir du moment où tu fais scission du prophète, tu vas forcément suivre une autre voie que celle des croyants. Et à partir du moment où tu suis une autre voie que celle des croyants, tu vas forcément faire scission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois suivre ses compagnons. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et certes, les compagnons ici, une personne peut me dire non, mais les compagnons n'ont pas été cités ici dans ce verset. Ce qui a été cité, c'est les croyants. Taïf, les compagnons ne sont-ils pas les meilleurs des croyants? Et qui étaient les croyants avant la division? Et qui étaient les croyants pendant la révélation? Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'est pas possible que les musulmans, que les croyants soient sur une voie de vérité et que les compagnons soient sur une autre voie. Ce n'est pas possible. Et donc, la voie des croyants, c'est forcément la voie où il y a les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, toute personne qui va contredire la voix des compagnons va forcément contredire la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on comprend bien ce qui a été cité précédemment, et si on comprend que la salafia est une voix divine, alors il faut aussi comprendre que la salafia est la voix des prophètes. Car une voix ne peut pas être divine sans être la voix des prophètes. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont donc suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a suivi les prophètes qui l'ont précédé. Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il cite un nombre de prophètes, il cite plusieurs prophètes, et ensuite il dit... أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Alors suis leur guidée. Il a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la guidée des prophètes qui l'ont précédé. Il dit تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons fait révélation de suivre la religion d'Ibrahim, Hanif, qui se détourne totalement du polythéisme. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi dans son livre, Shara'a lakum min ad-din, ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Certes, il vous a légiféré dans la religion. Ce qu'il a recommandé à Nuh, et ce qu'il t'a révélé à toi, et ce qu'il a recommandé à Ibrahim, Moussa, ainsi que Isa, d'appliquer la religion. Un aqimu ad-din wa la tatafarraqu fiha. Et ne vous divisez pas dans celle-ci, dans la religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi les prophètes qui l'ont précédé. Et les compagnons radiyallahu anhum ont suivi le prophète. Et cela nous montre donc que cette voie, le suivi des compagnons, la salafia est une voie divine. C'est la voie des prophètes. L'imam Ahmed, il cite dans son Mousnad selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-anbiya ikhwatun li'allat. Les anbiya, les prophètes, ce sont des frères. Comment on traduit li'allat? Qui connaît ça? Ikhwatun li'allat, ce sont des frères. Donc ils ont le même père mais n'ont pas la même mère. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ici, il utilise ce mot pour nous montrer un lien qu'il y a entre les prophètes, qu'ils ont le même fondement. Ils ont le même fondement. Et il continue après cela, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Dinuhum wahid. » Leur religion est unique. « Wa ummahatuhum shatta. » Mais leurs mères, divers. Leurs mères sont diverses. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même religion, la même base. Le tawhid, le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais parfois, il se peut qu'il y ait certaines législations qui changent. Et parmi les éléments qui vont appuyer le fait que les compagnons ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les compagnons ont suivi la voie d'un prophète, il y a le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son sahih. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli » إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. Il dit صلى الله عليه وسلم: Il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé avant moi, sans qu'il ait avec lui dans sa communauté des apôtres et des compagnons qui prenaient sa sunna et qui suivaient ses recommandations. Puis vient après eux des mauvaises générations. Al-Khulouf, des mauvaises générations. Puis viendra après eux des mauvaises générations qui disent ce qu'ils ne font pas et qui font ce qu'on ne leur a pas ordonné de faire. Et donc, on voit dans ce hadith, barakallahu fikoum, un point essentiel, un point important, qui est que les compagnons, ils ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sur la même voie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la même voie que les prophètes. Et on voit clairement dans ce hadith, qu'après les compagnons, il y aura de mauvaises générations, des gens qui vont venir et qui vont changer les choses. Comme on l'a vu avec les chrétiens. Est-ce que Isa est venu et a dit aux gens « Adorez-moi » Non, abadan. Mais les générations, les mauvaises générations ont changé cela. Dans la communauté musulmane, nous avons aussi des mauvaises générations qui viennent avec des innovations, des règles inventées, etc. L'exagération et autres. Ils ne suivent pas cette voie prophétique. Ils ne suivent pas cette voie divine, ils ne suivent pas le manhaj salafi. Le manhaj qui mène au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans son livre un certain nombre, encore une fois, un certain nombre de prophètes. Et ensuite il dit « Inna hadhihi ummatukum ummatan wa'ida wa ana rabbukum fa'budun » Et donc il a cité plusieurs prophètes et ensuite il dit, certes, cette umma, qu'est-ce qui est voulu par là? Cette umma. Ici, ce qui est voulu par le terme umma, c'est la religion. D'accord? Le mot umma, il va avoir plusieurs sens. Ici, dans ce verset, le mot umma, ce qui est voulu par là, c'est la religion. Certes, cette religion, après avoir cité tous les prophètes, est une religion unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. La salafia, barakallahu fikoum les frères, c'est un manhaj divin, c'est une voie divine. C'est la voie qui mène au paradis. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith authentique, le hadith qui fait mal au dos des innovateurs, à chaque fois il cherche à le rendre faible. Alors que c'est un hadith qui a été jugé authentique de génération en génération, jusqu'à arriver à notre génération. Le hadith de la division. Que cette communauté va se diviser. Vous le voyez. On est ici, à Bruxelles. À Bruxelles, il y a beaucoup de musulmans. Est-ce que tous ces musulmans-là, ils suivent la même voie? Non. Ok. Dans une mosquée, dans une seule mosquée, tu peux trouver plusieurs manhajs, plusieurs voies dans une seule mosquée. Les musulmans sont divisés. Ils se sont divisés comme les peuples d'avant eux. Comme les juifs et les chrétiens se sont divisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les groupes sont dans le feu sauf un. Le seul groupe qui est sauvé, ça ne peut être que le groupe qui suit la voie divine. La voie qui respecte les recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette voie? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man kana ala mithli ma ana wa ashabi. Celui qui suit la même voie que moi et mes compagnons. Celui qui suit la même voie que moi et mes compagnons. Au cher frère, je ne pense pas qu'une personne douée de raison entende ces textes et ensuite refuse de suivre cette voie. Refuse de suivre cette voie. La voie qui mène au paradis. Est-ce qu'une personne refuse d'aller au paradis? Est-ce qu'une personne peut te dire, non, moi je veux l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, toute ma communauté entre au paradis, sauf ceux qui refusent. Ah bon? Il y a des gens qui refusent au messager d'Allah? Oui. Celui qui m'obéit rentre au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. Il aura refusé. Et donc, barakallahu fikum, si chacun d'entre nous veut rentrer au paradis, il est impératif qu'on suive les recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on suive la voie du prophète, la voie de tous les prophètes et la voie des compagnons qui étaient avec les prophètes. Voilà pourquoi lorsqu'on débat avec les chrétiens, qu'est-ce qu'on leur dit lorsqu'on débat avec eux? Lorsqu'on débat avec eux, on leur dit quoi? On leur dit, citez-nous un apôtre qui dit qu'il faut adorer Jésus. Citez-nous un apôtre qui dit qu'il faut fêter Noël. Citez-nous un apôtre qui dit qu'il faut fêter Pâques. Citez-nous un apôtre, etc., etc. Tout le débat, il tourne autour de ça. Et pourquoi les chrétiens eux-mêmes, ils parlent tant des apôtres, ils ont même fait rentrer certains qui ne faisaient pas partie des apôtres, ils disent que ce sont des apôtres. Tellement ce sujet est important, le fait de suivre les apôtres. Des personnes qui n'ont pas rencontré Jésus, ils vont te dire que ce sont des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important, le fait de suivre les apôtres. Pour nous, la communauté musulmane, le fait de suivre les compagnons est un sujet important. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Tu veux le paradis, tu dois suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Donc voilà pour cette introduction à ce séminaire, inshallah ta'ala. On va faire une petite pause et ensuite on enchaîne avec le deuxième cours.